sur le regard des démons quand je suis défoncé. Y'a toujours du noir caché dans les nuages. La couleur de mes phalanges devient bleu foncé. Je contrôle mon humeur sur du violoncelle. Je l'aimais vraiment et je commençais à vraiment la voir comme ma Beyoncé. J'ai le cœur de Venom, je la remercie. C'est devenu mon amour, mais j'ai renoncé. J'étais bien dans ses bras. On dit que le temps sépare, mais moi je ne comprends pas. Je l'ai vu comme un serpent. Moi j'ai raidé jusqu'à Chicago. Avec ou sans elle, j'irai jusqu'au bout. Si j'arrive pas, j'ai chargé le canon. J'peux changer le karma. Revenu d'en bas, j'mets les anges KO. J'entends des pas dans mes cauchemars. Plus rien m'empêche d'aller jusqu'à eux. Se rapprocher à personne. On comprend les choses quand les rôles s'inversent. Pardonnez-moi, je veux être quelqu'un. Je dois m'isoler comme un grand savant. Je pourrais tenir dans un crash d'avion. Elle veut monter et s'accroche pas. Ça va finir mal à cause de moi.